La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, M. Junior Junot, est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet qui vous invite à faire un trou d'un coup avec son vaste choix de camions, de voitures neuves et de voitures d'occasion pour tous les budgets. Saint-Félicien Chevrolet, 762 Boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien, 418-679-1605. Tout le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent une bonne saison à tous les golfeurs et toutes les golfeuses. Junior, salut Junior. Hey, salut Danny. Junior, en fin de semaine, une chronique aux deux semaines. C'était la chronique, c'était le week-end golf. Comment ça s'est passé finalement? Ah, super bien été, Danny, honnêtement. Là, la température était extraordinaire. Les deux journées, là, vendredi et samedi, c'était super. On ne peut pas demander mieux que ça. Ouais. Vendredi, écoute, c'était à pleine capacité. Là, on avait au-dessus de 150 golfeurs qui sont venus pour la Mafia Midas. On avait des jeux, activités au travers de leur ronde de golf. Le soir, remise des prix, après ça c'était le repêchage pour le Saint-Prime Open du lendemain. Fait que tu sais, ça a été là un feu roulant là toute la journée du vendredi. On avait un volet féminin cette année là, on avait plusieurs femmes qui jouent, mais tu sais c'est des femmes là, au niveau qui débutent là depuis quelques années là, puis c'est plus participatif. Fait que eux autres là, on les avait dit, ben, organisez-vous un petit tournoi, si on pourrait dire, là, même pour le fun, pour participer, puis les intégrer. Ça fait partie de la mission quand même du week-end golf, là, pour nous autres. Ça a toujours été d'amener des nouveaux golfeurs, de faire d'intégrer des nouveaux golfeurs d'une certaine façon. Fait que ça a été une belle participation. Il y avait 32 femmes là, qui ont participé, qui ont eu du plaisir, puis que déjà l'an prochain, à l'année prochaine, fait que ça, c'est positif. Okay. Et puis samedi, ben, c'était le Saint-Prime Open là, qui avait lieu comme d'habitude. Là, 176 golfeurs, ça affichait complet. L'année passée, on était 144. On avait limité là, c'était plus difficile avec le COVID, mais là, cette année, on est en mesure d'avoir 176 golfeurs, 44 équipes. Ah, c'est bon. Une superbe journée. Puis ça s'est terminé là avec une victoire au quatrième trou de prolongation de l'équipe de Yves Plamondon. Yves, okay, qui est un ancien golfeur de Dolbeau, mais qui est maintenant rendu dans la région de Québec depuis plusieurs années. Et qui avait avec lui dans son équipe Carl Tremblay de Saint-Prime. Okay. Bertrand Carrier, un ancien citoyen de Dolbeau qui est maintenant rendu à Arvida. Okay. Et Mme Carole Nadeau, Carole, on le connaît bien là, au club de golf de Dolbeau. Donc, bravo à l'équipe de Yves Plamondon là, qui, comme on dit, ont vendu chèrement leur peau jusqu'à la fin, jusqu'au quatrième trou de prolongation pour l'emporter là, cette année de Saint-Prime Open. Bon, OK. C'est ce qui a clos là, avec brio là, le succès là, du Saint-Prime, du Saint-Prime Open, mais du Weekend Golf, là, version un peu écoutée, on sait encore là, ouais, cette année avec la COVID, là, qu'à un moment qui a eu le temps de prendre la décision, là, on a décidé de continuer avec deux journées seulement là, pour le Weekend Golf. Fait qu'on est bien heureux, toutes les gens étaient contents, on remercie toutes les bénévoles là, qui ont travaillé fort, sans qui là, on pourrait pas permettre de présenter ce week-end-là. Aussi, nos deux promoteurs, là, Louis Lapierre et Jonathan Lambert. Et les participants, évidemment, aussi. Fait que non, on est très heureux. Je pense que ça nous fait une belle vitrine là, au niveau provincial. Là, puis ça fait parler de notre club de golf. Parle-moi maintenant de la semaine de la construction. C'est donné aux touristes. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes d'abord dans le secteur? Oui. En tout cas, chez nous, de notre côté, là, énormément de tourisme. Beaucoup de golfeurs. C'est sûr que toujours une question de température, mais jusqu'à date, là, la température, là, bon, un peu dimanche matin qui était moins bonne, aujourd'hui un peu moins bonne aussi, mais sinon, là, c'est des journées records pratiquement tous les jours, puis du monde en masse, beaucoup de gens de l'extérieur, beaucoup de golfeurs de l'extérieur. Ah, c'est bon ça. Fait que non, on est bien content jusqu'à date. Le terrain est en excellente condition. Les commentaires sont bons. Fait que c'est sûr que ces semaines-là, il n'y a pas nécessairement d'activité, à part on commence les vacances de construction avec le week-end golf, mais par la suite, là, comme on dit, on laisse place, on laisse le terrain aux golfeurs, aux visiteurs, aux membres, aux gens locaux qui veulent jouer, là, qui veulent profiter de leurs vacances pour jouer une ronde de golf. OK. Ben Junior, ça fait pas mal de tout, on s'en reparle dans 15 jours. Bien sûr, mon ami. Notre ami Junior Junot qui nous parlait de la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Prime.